Merci Danny Daniel. Oui, merci beaucoup. Merci. C'est le retour de DJ George, vous le reconnaissez. Il a gagné deux niveaux entre temps. Maintenant, il peut lancer des boules de feu et lire dans les esprits, si j'ai bien compris. Exactement. Je savais que t'allais dire ça. T'as encore mis tes points en sagesse puis en charisme. Ben, qu'est-ce que tu veux, ma force, je m'en sers jamais. Bon, ben, non, il n'y a pas besoin. Il y a le charisme. Et voilà, puis il déborde les coffres 5 aussi. C'est toujours intéressant. Puis, fait que là, tu t'es flanqué de Lucie Rifard et pour nous servir quelque chose de spécial. Spécial français aujourd'hui avec Lucie qui a fait une bonne partie de la recherche. Oui. S'il y a d'autres gens qui ont le goût de m'aider comme ça dans ma job, là, moi, je suis toujours partant. Quelqu'un qui m'envoie un chiffrier Excel, tout bien classé, de plein d'atrocités en ordre alphabétique, avec les liens YouTube puis un commentaire à chaque. Ça fait que ça me prend bien moins de temps à tout préparer. Donc, oui, merci, hey, ouais, Lucie. Hey, Colin. Donc, je comprends qu'elle t'a envoyé un fichier Excel. Oui, toi aussi, tu as pogné à lire d'un pensée. Oui. Le pouvoir de déduction. Ouais, c'est fort, bon, ça. Mathieu Boudreau, toi, t'es... Absolument. T'es... Ouais. Moi, je suis un garçon, là. Ouais, ah, OK, ouais. Comme un garçon. Tu continues là où tu avais arrêté. Mais non, ben cette semaine, c'est un dossier chaud sur Pâques. Hein? C'est vrai. Asti, c'est vrai. Pendant que t'en parles, j'aimerais en profiter pour souhaiter à tous nos auditeurs que Pâques revêtisse ses plus beaux atours pour vous offrir ce qu'elle a de mieux. Que la magie de Pâques s'incarne d'une manière optimale pour vous. Ouais. Et tous ceux que vous aimez, c'est très important pour nous. Même ceux que vous aimez pas. Chocolat, lapin, Jésus, croix, souffrance, mieux. Ben, encore. Ensemble vers 33 ans passés pour... C'est-tu un zombie, Jésus? Ben, maintenant, oui. Là. OK, ouais. C'est le premier zombie. Tu me voles mes punches de ma chronique. Il décompose-tu? Il décompose à la droite de Dieu. Il compose beaucoup, en tout cas. Il compose des hymnes. Il n'a pas écrit grand-chose. Il a fait le Notre Père de la manière qu'on est au courant. Puis il était en crise dans le temple. Puis il a dit, n'êtes-vous pas au courant que je dois m'occuper des affaires de mon père? Puis il a dit à Marie-Madeleine, tourne-toi ma grande que je t'honore, je pense, aussi, à un moment donné. Oui, exactement comme ça. C'est le sacré capitaliste dehors. Et voilà. Ah oui, de l'épître aux Corinthiens. Ouais. Voilà. L'épître aux bien membrés. C'est comme ça que ça finit la Bible, d'ailleurs. Ça finit là-dessus. Ouais. Mais j'attends encore le 2. Là. Ben, la Bible 2. La Bible 2. Ça va être écœur. En fait, non, c'est pas vrai. Parce c'est le 3 qu'on attend. C'est ça, on attend la fin de la trilogie. Oui, c'est vrai. Le vraiment Nouveau Testament. Excellent. Le Néo-Nouveau Testament. Il paraît qu'en fait, ce qui est weird, c'est que la première partie qui a été écrite du Nouveau Testament, c'est l'Apocalypse. Puis le, gars, c'était Saül d'Arimathie, je pense. Puis là, il y a eu une vision. Il a fumé des affaires où il avait bien soif. Là, mais moche. Il y avait un ange qui là, il lui a tout cité l'Apocalypse. Puis là, il a écrit l'Apocalypse. Puis après ça, il y a du monde qui n'ont rien à voir. Là, c'est Matthieu, Luc, Marc, puis Jean-Paul, je pense, qui ont écrit... Ringo, je crois. Ouais, Ringo, qui ont écrit les évangiles. Mais c'est pas du tout des contemporains de Jésus. Le premier évangile a été écrit 40 ans après la mort de Jésus. C'est ça. Il y en a qui disent... 90, hein. Ah, OK. Ah, ouais. Ah, rendu là. Moi, juste 92. Qui dit mieux? On dit 114. Dieu de closer, 114. Going over. Le débat est lancé. Non, mais c'est bien qu'on en parle parce que, tu sais. Ça m'empêche de parler du film qui a été choisi ce soir. Ben oui, je pense que oui. Grosse déception. On avait mis un film d'horreur cool avec des affaires qui se peuvent pas. Vraiment. Puis un film de narration avec un chaton cute qui qui se noyent pas assez à mon goût, qui aiment des chiens, puis des aventures. Grosse déception. De grosses déceptions. c'est la première fois en 8 ans que je fais des textes sur des films que j'avais aucune inspiration. À la place, on a amené des clips de chats. Ouais. Ça se trouve assez facilement. Sur les mêmes, on peut dire. Fait qu'on va commencer avec, en fait, on commencera pas avec des clips de chats, on va commencer avec Andrew Lee. Andrew Lee, ça a été une de nos grosses découvertes de l'année passée. Il est passé un petit peu en dessous du radar, mais ça reste quelque chose de potent, de très puissant. Andrew Lee qui n'est pas atteint de surdité, mais plutôt qui est atteint de sa mère qui est bien fière de lui puis qui paye pour ses albums. Je vous invite à faire vos recherches sur le bonhomme parce que le gars s'appelle Andrew Lee. C'est écrit en avant du micro-ondes en confiture, vous allez voir dans le clip. Mais c'est dur à retrouver parce qu'il y a plein de monde qui s'appelle Andrew Lee sur la planète. Ben oui, c'est et ça. On sait que de nos jours, la meilleure manière de camoufler quelque chose, c'est de lui donner le même nom qu'une autre affaire qui a pogné plus. Oui, absolument. Donc, surtout de camoufler dans Google. Donc, on commence ce 70%-là spécial français chaton de Pâques avec l'excellent Andrew Lee et menu. Oh là là. Ça commence fort. They climb ropes, they jump through hoops, they even skateboard on their paws. Samantha Martin and her amazing acro cats are here. Hello, Samantha. Welcome. You got the cats are really fired up this time. Take them to a whole new level. I'm taking them to a whole new level. In fact, Nui has a synthesizer now. Yeah. Now, introduce the cats, if you wouldn't mind. Okay, yeah. We have Nui on synthesizer, all right. Fiji on drums, uh-huh. Pinky on guitar. Wow. And we have tuna on a tip jar, and Buggles here is on eggs, egg patrol, because Easter's coming up. Now, these are all classically trained. And, yes. Not easy. How do you decide which instrument goes with which animal? Is it something you audition them? Or? Yeah, you just see what cat, what's their strong point, right. You know, who's more of a drummer personality, right. And, you know, then Nui just naturally drifted towards the keyboard. Yeah. That's nice. Yeah. Do they have a song that they want to perform right now? They are performing. Are they it's right their now? Own song. It's kind of a freeform jazz, new age. A little classical from the piano. Yeah. I don't think they're playing the same song, actually. Yeah, let's pause for 1 second so the people at home can really hear this. Where's our drummer? Fiji, we need some drums. So often, you know, they just play to digital tape or something. They're up there faking it. But these are real. This is the real thing. This is not made up. Look at the sheer... How many hours does it take for you to get them at this skill level? 5 years. Five years. And like 12 hours a day, probably. Every waking moment. You can really see that it's a time invested that makes sense. Now, you're taking this on the road. Yes, actually, I'm booking all across the country right now. We're going to Kansas City, Iowa City, Des Moines. We're looking for people to host our show in different venues all across the country. And you got a show here. Malheureusement, il faut s'éloigner des manchots pour l'instant. Ouais. Voilà. Dans le magnifique chiffrier Excel de Lucie, il y avait 158 entrées, si je ne m'abuse, puis après ça, on m'a envoyé un autre. Fait que là, je me suis dit, je peux pas, c'est trop cruel de devoir choisir 5-6 chansons là-dedans, puis scraper le reste. Fait qu'on a décidé d'un commun accord que chaque première chronique de DJ Georges du mois, ça allait être chronique française comme ça, pour pouvoir couvrir un peu l'ensemble de la sphère. Tranquillement, essayez de rattraper votre retard aussi. Exactement. Et voilà. Puis, on commence aujourd'hui avec Jeunesse française. Et qui dit jeunesse française, dit boys band. Et qui dit boys band, évidemment, dit 2B3. Donc, j'aimerais ça, Dieu, si tu pouvais nous partir le clip Partir un jour. Partir un jour. De 2B3. On va pouvoir admirer ça. Retour. Partir un jour sans retour. Effacer notre amour. Sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour sans bagage. Ben en fait, il a pris la retraite du boys bandism assez après juste un album. Et après ça, il est allé faire du cinéma pendant deux films, dont Simon Says. Et puis après ça, il est mort. Non, c'est pas lui. Non. C'est lui, c'est Philippe Nicoli. C'est lui. C'est le premier, là. C'est lui, c'est celui qui a fini de l'Assemblée du cinéma. Non. Et c'est lui qui est décédé il y a 3 ans, 2 ans et demi. De mort. On le salue. Ils ont fait avaler ses baguettes de drogue. Si on se fie à maman, il est certainement mort d'une pneumonie avec sa chemise ouverte demain. Oui, certain. En avril, finis pas ma phrase, s'il te plaît. Exactement. Donc voilà, fait que les 2B3 qui s'appelaient au départ les 2B Free, donc être free. être gratuit. Être gratuit, c'est ça. Et puis, donc voilà, c'est un des premiers boys bands français. Puis ça, c'est ces trois-là, c'est trois amis d'enfance qui se connaissent. Puis voilà. Et puis leur premier succès, c'est évidemment Partir un jour. Bon, ça, c'est sorti le hit de l'été. C'est sûr. Ils ont décidé au début de l'été que c'était le hit énergie de l'été. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, c'est plus de place pour les autres, le reste de l'été qui tombe. Ça va l'été d'après. Fait qu'évidemment, on note les chemises ouvertes, très important quand on se part un boys band. Ah, pas avoir de boutons sur nos chemises. Et pas avoir de poils sur nos torse. Non, voilà. Ni un, ni l'autre. Et puis, on peut enchaîner tout de suite avec leur deuxième grand succès. Toujours là pour toi. Oh, ma baby. C'est tellement beau. Oui. Ça, c'est le Rick Roll français. Ah, toujours les chemises ouvertes, mais cette fois-ci, couché dans l'eau. Là, là, c'est le coup de mort qui va attraper celle-là. Là. Ralenti, ralenti, ouais. Regardez les éclaboussures lentes qui volent partout, et tout, c'est super. Ça, c'est généreux par personne. Tout à fait. C'est ce qui fait leur popularité. On les aime pour ça. Non, non, mais dans mon cœur. Dans un certain. C'est le party. Bitch 96. Des demandes spéciales toute l'après-midi. Ils ont étranglé Dieu. Dieu est rendu très commercial. Sur c'est quoi? Ouais, animateur assez grand. Radio Ciel. Ciel FM, ça veut dire ça. Voilà, ça c'était 2B3. Qui était, je crois, le boys band préféré de Lucie. Ah ouais? Tiens. Ben, y a des raisons. Plus que ça, Ozone, hein. Que ah, le G Squad, ouais. Même plus que le G Squad. Ah oui, plus que le G Squad. Ouais, mais c'était anglais. Voilà. Mais sinon, il y en a un autre bon qui s'appelle Alliage. Moi, que je connaissais. Ils avaient même fait pas une chanson qui s'appelle Lucie. Alliage. Ah, c'est fou. Alliage, j'aimerais ça si tu pouvais partir Balia, Monsieur Dieu. C'est ma demande spéciale de l'après-midi. Ah, c'est quoi? Alors, on remarque ici d'abord leur entrée par téléportation dans le clip. Ça va être une machine assez complexe à allumer, mais après, ils sauvent tout le temps sur le transport, c'est clair. Mm-hmm. Voilà, ils arrivent. Ah, gay? Ah, ouais. C'est bon, ça va? Pour les réunir, c'est quelque chose que j'aime de séparer bien ça. C'est vrai. Alors, les quatre membres de Alliage, en fait, sont de quatre origines différentes, corse, algérienne, anglaise et espagnole, d'où le nom de Alliage. Oh! Oh! Ouais! Moi, je capotais, je disais Wikipédia, puis je trippais vers elle. Et plusieurs de leurs chansons, comme celle-ci, sont faites d'un alliage de différentes langues également. Là, on a de l'espagnol et de l'anglais. Wow! Voilà. C'est ça. Ils sont tellement blancs. Puis on note que y a les chemises ouvertes sont également présentes dans cette bande. C'est vrai, moi, je les aimais pas, ceux-là. Ça, c'est pas les tiens, ceux-là. Même si tu suivais bien, la majorité des bandes grunge, des clips grunge, avaient une longue chemise par dessus. C'est vrai. Pour avoir les chemises ouvertes, mais en restant complexé à quelque part, pour avoir le droit de se plaindre. C'était pas trop. Me, my friend. Non, mais on peut-tu arrêter? Ben, j'en ai. Tu penses que c'est pas bon, mais j'ai bien pire encore. Pendant la deuxième chanson d'Alliage, s'il te plaît, Dieu, j'ai pensé à toi, Tommy. Le monde, des fois, il pense à moi. C'est que ici, c'est la consécration là, d'Alliage. On devient tellement fort, un alliage tellement solide, qu'ils ont commencé à être mélangés avec des groupes connus et à franciser leurs chansons. Ça part vraiment mine de rien. Ici, il y a le recyclage blanc. Ils ont tout à côté sur le bord de la shop. Dans la chaleur de la nuit qui s'enroule tout autour de moi. On va faire notre caméraman. Je marche seul sans savoir pourquoi tu n'es plus là. On n'avait pas vraiment besoin aujourd'hui. C'est un bouton. Ça tourne dans ma tête. Et tout s'arrête. Ta voix me parle souvent. Et tout s'arrête. boum boum boum, chicka chicka chicka chicka. Voilà. C'est Cruel Summer de Ace of Base. Juste pour toi, Tom. C'est un alliage. Voilà. Aussi, ben, ça fait plaisir à personne. Ça fait plaisir à Lucie, en tout cas. Ben, moi, non. Là, je suis pas content. Tu vois? Oh. Voilà. Ça baisse la virilité des gens. Je vais y aller avec un dernier pour ce bloc-ci. Merci. C'est pas Ace of Base. C'est pas Ace of Base, là, il n'y en aura plus pour le reste de la journée. Bravo. Et peut-être pas possiblement de la saison. Oh! J'en veux pas jouer souvent. Je touche du bois. On est déjà à deux en dedans de 20 émissions. Même pas mis deux tonnes de Tragic Year. Ouais, non, c'est bon. Tu fais tes efforts. Dernier mot. Voilà. Fait que, il s'agit ici de David et Jonathan qui nous chantent Bella Vita. Et là, il y a plein de choses à noter dans ce clip-là. J'aimerais qu'on l'écoute au complet, mais à micro ouvert. On va pouvoir voir tout ce qui se passe là-dedans. Déjà, à 18 secondes du début, le bout que j'ai trouvé le plus beau, c'est le gars qui est accroupi à côté du piano sur la plage. Ok, le piano, il est sur la plage. Ouais, puis il y a un gars qui en joue, mais il y a un autre gars qui est juste comme accroupi à côté pour pouvoir se réfléchir dedans. Vous voyez, c'est ça, là. Là, le gars, il est juste comme accroupi à côté du piano. les deux gars, c'est un peu ambigu, là. Ils ont vraiment l'air gays, mais tout le long de la toune, ils trippent sur les filles. Fait que je sais pas trop quoi en faire, regardez, tiens. Ils sont pas gays, c'est de la romance. Ils sont pas gays, sont romantiques. Je sais que c'est français, fait que ça fuck mon gay dans un québécois, là. J'ai pas downloadé la patch française. Après, tu sais, c'est les années 80 aussi. Ouais. On est quand même à plusieurs référents d'écart. Effectivement. Là, bientôt, ça en vient plein de choses à regarder. Ils vont arriver à une maison, la Bella Vita. Et puis là, regarde bien ça, les cheveux de la fille. Le kick du matelas gonflable et le keytar. Tout dans une petite séquence fort rapide. Puis là, ça, faut garder l'œil ouvert parce que ça va vite. Ça, c'est là. Attention. Cheveux. Kick du matelas. On va rien. Keytar. Après ça, on a plongeon du haut de la haie. Ok, on le remet. Les cheveux. Kick du matelas pour rien. Keytar. I love you. Ouais, il est content. Après ça, on va avoir une fille qui plonge du haut d'une haie. C'est quand même assez rare là, que j'ai vu ça dans ma vie. Je savais pas qu'on pouvait être debout dessus. Voilà. Ah, ben ouais. Puis après ça, ben, on a quelque chose qui s'en vient bien vite, là. Bercer un fou perroquet en hamac collé en cuillère avec le matelas et encore les cheveux. Donc, surveillez ça. Après qu'il ait fini de chanter dans son Saint Graal, voilà, berce le faux perroquet en cuillère avec le même matelas de tantôt. Là, c'est multiplié, Et les cheveux. Il était jaloux du matelas. Voilà. Donc là, on a un petit break, il y avait beaucoup de choses à observer, mais on est correct pour un petit bout, là, c'est bon, voilà, les cheveux encore de plus en plus dans le vent. C'est tout le monde d'habitude, quand il y a une fille qui a les cheveux vraiment étouffés comme ça, bien long, bien gros, les gens disent toujours que ça doit être super long à placer, mais elle, on voit que c'est vraiment zéro long à placer, c'est juste, elle se lève, c'est comme ça, là. Fait que là, les poissons, dans chiquent une petite bouche, et là, le bateau, regarde bien ça, finalement. C'est un signe de l'infini. C'est un bateau téléguidé. Oh, t'as puis ça, là, ça a vraiment pas l'air gay, là. Hein? Là, ça l'est plus, là. Ça, ça a pas l'air gay. Bateau téléguidé à deux, ça amène télécommande. Là. Un bateau téléguidé. C'est quand même quelque chose, là. Ah oui, touche pas de l'instinct. Après ça, regardez bien ici, les gars, ils vont faire du pickpocket, ils vont voler les cornets aux filles. Oups, et voilà. Puis là, ils sont comme tout contents. Hey, on les a eu. Puis là, finalement, ils sont revêtus de vêtements de cuir quatre fois trop grands pour eux qui ont probablement volé aussi dans une séquence hors champ. Ça les attire, tu vois, ils sont curieux. Ça les attire. Et là, c'est presque fini, on approche de la fin, mais là, ils chantent au piano. Puis là, on va avoir le bout où il y en a un des deux qui donne un faux violon à l'autre, puis que l'autre, il joue du faux violon. Puis on voit qu'il y a juste une vague idée de c'est quoi un violon, puis il n'y a certainement jamais vu personne en jouer, là. Observez bien, c'est là, ça s'en vient. Tiens vers le bout, là. C'est qu'il sait à peu près, là. Il y a une notion de c'est quoi, là. Il a déjà vu ça. Il a déjà vu ça, mais ça fait longtemps, peut-être. Et voilà, attention, il lui donne. Et voilà. Un petit violon de poignet, là. Puis là, il arrête, puis le violon continue. Et voilà. Ah, il y a une chance que tu me demandes pas c'est quel mon préféré. C'est pas évident, hein. David ou Jonathan? Je sais pas c'est lequel qui est lequel, c'est-tu? J'ai aucune idée. Moi, je pense que c'est lui, David. Ouais. Ça aurait été David. Il y a l'air d'un David. Dans le fond, c'est la même personne. C'est ça. Et voilà, les cheveux encore. Les cheveux, les cheveux. Ça ressemble à Fanny Lauzier. Ouais, c'est vrai, hein. Là, c'est grande finale. On va l'avoir au complet, hein. Ouais, là, c'est vraiment les dernières secondes, là. Zoom out. On vient plus loin dans l'émission pour d'autres affaires magiques. Ouais. Il en reste quelques autres. Ben ouais, en attendant, Dieu, clip de chat. Clip de chat. Clip de chat, après, c'est Boudreau. Oh, oh, oh. Il est en feu. Bonsoir. Ok, oui. I'd like it, c'est ça. Clip de chat. Ah oui. Clip en feu. Chat. Clip de chat clip en de feu. Chat. Clip de chat. Watching you dance. I hope I can dance like that someday. Thanks. It looks like so much fun to be a dancing cat. It's so much fun being a dancing cat? Yes. We wish we could be dancing cats. Well, sometimes when you really want something, you have to dream about it. That's a fun way to learn ballet, Casey. Yeah, it is. Yeah. We're cats. Sam, what are you going to teach us today, Casey? How would you dance if you were angry? Catarama, that was fun, Casey. It's always fun to learn a new dance. I like the angry part. Well, the next time you're feeling angry, or sad, or just plain happy, try a dance. Stacy, let's do a noisy dance. Yeah! And remember, you can make your dreams come true. Grand old flag, you're a grand old flag, you're a high flying flag. Ce qu'on fait, c'est qu'on se prépare des toutes petites fiches. Alors avec Jean-Luc, on avait peur d'avoir un trou de mémoire, on s'est préparé tous les deux une petite fiche. Oui. Tu l'as toujours, tu ne l'as pas perdue? J'ai ma petite fiche, oui, bon, petite fiche, pour se souvenir de lui, fais voir ça. Alors, prénom Étienne, Auberger, voici sa petite biographie. Ici, on remarque que l'individu est déjà prédisposé pour l'originalité. Ouais. Il a 12 ans. Ensuite, il essaie de tenter un record du monde de montgolfière. Il tombe de la nacelle, 18 mètres, c'est pas grave. On voit aussi qu'il a fait une école de journalisme, mais bon, qu'il a pris une année sabbatique. Mais bon, on va l'écouter chanter. Ah oui, Étienne Auberger. Oh, Sophie. Étienne Auberger. Je fais de goûter et de dîner. Peut-être l'ai-je overdosé. Mais j'étais fauché comme les blés. Je voulais vivre de mon art. Elle voulait vivre en Avenard. Cette leçon coûte pas plus d'un franc marche. Un renard lui a payé du plumage. We'll be right back. pas de drogue, adore, mais même un gadon. Mais en attendant tout excédier, je l'embrassais plus persuadé que bientôt dans un lit de Zibli, on oublierait la pure émotion, la vilain. Fermer cette nouvelle affiche. Maintenant, on n'a pas eu un seul presque, groupe. Presque. On n'a pas eu de groupe encore. Ah si, le groupe c'est maintenant. Ah c'est maintenant. Eh oui. Bon. Voilà. Alors. Salut. Ce poème-là est dédié à tout le monde qui doute. Cette âme, c'est mon âme d'enfant où le doute est entré. Cette âme que tu vois comme une vague houleuse, tour à tour agitée. Et tour à tour paisible, si douce par moments, si vibrante et sensible, si crispée un tantôt, si brutale et nerveuse. Cette âme que tu vois qui se voue à l'amour, et peut-être demain en maudira les dieux. Cette âme qui se berce aux mensonges des yeux et s'obstine, ombrageante à la clarté du jour. C'est mon âme d'enfant où le doute est entré. Je t'aime. Bon. Tu l'as-tu vu l'amour dans mes yeux? Mais c'est comme ça. Et voilà. Ah, ça fait... C'est voilà. Touchant. On a tous touché. Fait que... Cette semaine, c'était Pâques. C'est vrai. Hein, hier? Oui. Fait que, il y a eu un déferlement de jokes de Jésus mort-vivant sur nos principaux réseaux sociaux. Ouais. Je trouvais ça assez marrant, puis en même temps, ben, je me disais, moi, je connais pas bien ça, la Pâques, fait que je vais aller m'informer. Sauf que ce que je connais de la Pâques, c'est comme un moment donné, ils ont enlevé le « la » devant, hein? Avant, c'était « Cette semaine, nous célébrons la Pâques ». Aujourd'hui, c'est plus 103,4, la station rock. Cette semaine, c'est Pâques, Pâques. On écoute Marie-moi qui chante « Pute morte ». Puis j'espère que t'es prête à gagner un T-shirt. La question du jour. Quelle fête on célèbre aujourd'hui? Pâques, je te donne pas d'indice. Tu sais, c'est le même message, tu sais. Juste pimper un peu, là, comme... comme le nouveau Star Wars, tu sais. Réactualisé. Et voilà. Question de même, hein, c'est quoi qui reste à fabriquer de l'univers de Star Wars? Pas grand-chose, j'ai l'impression. Pas grand-chose, hein? Ben, moi, j'ai un projet pour George Lucas. La poupée gonflable Jabba de Hutt. C'est ça. Oui, il me semble qu'avec mon costume de Boba Fett puis ma peau de Chewbacca, je serais bandé en tabarnak. Ça pourrait être comme un beanbag, sinon. Mm-hmm. Est-ce qu'on travaille là-dessus, George? Qui nous écoute religieusement? Ouais, on le sait. Écoute, probablement. Ben oui, il nous écoute. Lui, Bill Gates, puis ouais. Des vampires. Puis Mark Zuckerberg. On y va. Fait que, ben c'est ça, hein, tu sais, en fait, c'est pas très compliqué. S'éloigner du sujet, hein, c'est ce que les tigres font le mieux. C'est vrai. Fait que c'est ce que je suis en train de faire. Mais sinon, on va parler de Papa Hawk, OK? Fait que j'ai un petit livre ici qui est super intéressant, hein, c'est je sais pas si tu peux le voir ici comme ça, là. C'est, Faites ça, et vous vivrez. Fait que, Moi, j'ai eu bien du plaisir à lire ça. Je l'ai lu au complet. Ça égale respirer? Ou... Absolument. Okay. On parle ici de passion, je pense. On est dans la passion en crise. OK, hein? Ouais. Fait que là, je vais commencer. J'ai des petites notes ici. Fait que on parle de la fête de Pâques, hein, bien sûr. La principale des fêtes juives était la Pâque. Hein? Elle était instituée pour rappeler le souvenir de la délivrance d'Égypte. Ben oui. Alors là, si on se réfère ici, bon, alors là, hein, ce qui nous est donné d'entendre ici, c'est que Pâques, ça a été bien avant Jésus, là, tu sais. Ben oui. La délivrance d'Égypte, là, c'est Moïse pis sa gang, hein, c'est la ça. Gang, la gang, la gang, la gang, c'est la gang. Ah ouais. Avec les plaies pis tout. Voilà, les plaies, tout ça, tu sais. On se souviendra d'ailleurs, hein, de la phrase qui fut criée à Moïse juste avant qu'il sépare les eaux. Ah ouais, Moïse, esti, continue comme ça. Voilà, ouais. Hein? C'est vrai. En même temps, non, mais en même temps, lui, Moïse, il avait jamais séparé les eaux, tu sais, sauf une fois au chalet. Il y avait pas un gars qui a voulu y acheter son bâton qui se transforme en serpent. Et voilà, il voulait y acheter son bâton en serpent. C'est et voilà. Ça. Va t'elle l'acheter ton bâton en serpent. Ça a mal fini tout ça. Ouais, en tout cas. Bon, là, on continue, il hein, parce que. Il y avait des cléans dans la toilette. Mm-hmm. Vas-y, ma dans les temps anciens, la Pâque était mangée debout. Là, il y a une explication ici. C'est parce que à cette occasion, tous les Juifs à partir de 12 ans devaient monter à Jérusalem. La fête durait 8 jours, pendant lesquels on ne mangeait que du pain sans levain. Le gros party. Le party. Le gros party. Il y a trois constatations là-dedans, Tommy. À Jérusalem, il y avait pas de chaise pour tout le monde. Ça, c'est bien important. Deux, 8 jours de fête, c'est un esti de party. Puis du pain sans levain, trois, ben c'est moins cher à fabriquer. C'est pour ça qu'on faisait ça comme ça. Okay? Ouais, non, c'est de là que ça vient, le nom du mur des lamentations. C'est le monde qui n'avait pas de chaise, il s'appuyait dessus. Et voilà, c'est comme ça. Puis il se plaignait. Est-ce qu'il n'y a pas de chaise? Ben, il y avait des divans, par exemple. On va en parler tantôt. Fait que là... célèbre divan du... Ben oui, exactement. Le rite là, je te parle de la Pâque juive, hein, attention, hein. Parce que la Pâque, c'est... Le rite juif est ainsi conçu. Dès le 14, on apportait au temple pour y être immolé un agneau ou un chevreau d'un an qui est ensuite rôti, toute précaution prise pour ne pas lui briser aucun os. Fait que là, bon, immolé, là, on... hein, tu sais, c'est quoi immolé, toi? D'habitude, tu fais pas ça deux fois. Absolument. Immolé, si on associe ça au feu, hein, mais ça peut être par tous les moyens possibles, là, l'eau, l'air... La terre, tout ça. Immolé... Immolé par la terre. Et voilà. En fait, immolé, ça veut dire offrir un sacrifice. Hein. Donc, dans le fond, tu sais, Pâques, c'est un party dans lequel on fait un méchoui. En gros. Chez les Juifs. Ouais. Là, on spécifie qu'on doit faire attention à ne pas briser les os, OK? Mais ça, c'est bien important, c'est pour la sécurité. C'est important. Maurice. Et voilà, c'est important, la sécurité! Toi, pardon. Au nombre de retardés qui se pointent dans cet événement-là, là, t'as pas envie que le monde s'étouffe avec un bout de dos, tu sais? Non. Ça fout la merde. C'est ça. Les musiciens arrêtent de jouer, tout le monde le regarde. Des poursuites. Et voilà. D'ailleurs, on oublie ça souvent, hein, mais chaque fois qu'on tue un animal, on fait un sacrifice. C'est vrai. Ben là, je te dis pas d'être végétarien, là, je m'en calisse vraiment, là. Je te dis juste que chaque fois qu'on tue un animal, on fait un sacrifice. On faut avoir un certain respect, tu sais. Ça prend du front tout le tour de la tête pour prendre la vie. Puis sans casser les os. Bon, c'était mon frère de la soirée. Sinon, on va continuer. À l'époque de Jésus, on la mangeait étendue sur les divans, en demi-cercle, autour de la table, selon l'usage ordinaire des repas. Voilà. Bon, là, moi, j'ai juste le goût de dire à quand les divans dans les McDo. C'est vrai que ça serait. Puis quand je dis ça, il y a tout de suite une autre question qui me vient. À quand la nourriture dans les McDo, tu sais? Ouais, c'est ça. La viande, ça serait bon. Ben oui, exactement. ben là, j'en entends deux, trois, hein, avec vos petites faces, hein. Ben vous me dites, là, ah ben, sais, c'est pas super bon, mais c'est de la nourriture pareille dans les McDo. Non. Il y a une caractéristique très, très, très importante qu'on oublie de la nourriture. La nourriture, ça pourrit. Ça, c'est important. Bon, on va continuer ici. Selon... Au début de la scène, après avoir vidé une première coupe, une coupe de vin, bien sûr, on servait un plat d'herbe amère trempé dans une sauce fortement épicée en souvenir des épreuves subies par les Hébreux en Égypte. Ah, tabarnak, ça encore. Ça, t'avais le choix de crémeux traditionnel. Ils choisissent leur salsa parce qu'il y a du monde qui sont morts là 3000 ans. Tabarnak, que c'est pas de vie. Peu de respect, attends une minute! Venait ensuite, après une seconde coupe, hey, deux fois, deux coupes de, du vin, deux coupes de vin, la manducation de l'agneau avec les pains azim, ok? La manducation, c'est quoi? Je viens d'apprendre deux mots, là. Manducation? Manducation, ouais, c'est quand que tu l'éduques, mais mal. Non! La manducation, en fait, c'est tout ce qui est de digestion. En fait, pendant qu'on digérait l'agneau, hein, avec les pains azim. Bon, azim, j'ai aucune colise d'idée c'est quoi ça veut dire. Je te dirais, je fais de ce bac-là un peu. L'azim enfin, boum. Après une troisième coupe. Mais excuse-moi, mais je veux dire, c'est la bonne manière, parce que dans le fond, il n'est pas écrit « Faites ça, découvrez pourquoi et vivez. » Absolument pas, c'est « Faites ça, et vous vivrez. » C'est ça. Attends, ben là... T'as pas besoin de faire de recherche, c'est meilleur si tu fais pas de recherche. Absolument. Mais malgré que je te dirais que Wikipédia est assez intéressant dans le domaine. Encore les Juifs, c'est-tu. Ouais, mais... Enfin, après une troisième coupe, et là, il y a une troisième coupe de vin. Appelée coupe de bénédiction, on récitait les hymnes d'action de grâce. Bon, OK. Là, ici, hein, c'est un déroulement de soirée. Okay, c'est une coupe de vin, on mange un plat dégueulasse qui nous rappelle qu'on a été esclaves. Une autre coupe de vin, on bouffe de l'agneau puis du pain en masse. Une troisième coupe de vin, puis là, on commence à être méchant un peu, bien repu. Fait que comme dans toutes les parties, on se met à chanter. Voilà. Et voilà. Ici, c'est les hymnes d'action de grâce. Une action de grâce, c'est une attitude de reconnaissance envers Dieu, tu sais. Fait que t'as bien mangé, réalisé que t'es libre quelque part. Les cœurs, c'est des lits, pis il reste plus rien qu'à chanter. Chevalier de la table ronde, allons boire si le vin est bon. Allons boire, oui, oui, oui, allons boire, non, non, non. Allons boire si le vin est bon. Bon, mon gars. C'est bon. On le sait pas du tout! Pas de feedback. La légende dit pas ça. Fait qu'en gros, tu sais... Allons voir, oui, oui, oui, allons voir, non, non, non, allons voir, si le vin est bon. Allons voir, oui, oui, oui. Bon, fait que là, comme tu vois, j'ai eu bien du plaisir à faire ça. Fait Dieu qui vient de... Dieu, il veut se mêler encore de mes affaires. Je pense qu'il a mangé trop de volard. Je pense qu'il a pas saisi. J'ai le libre arbitre. Fait que ta gueule. Je t'aime. À tout jamais. Non, mais c'est vrai, tu sais. Fait qu'en résumé, tu sais, Pâques, ça veut pas dire la même chose pour tout le monde. Hein. Chez les Juifs, ça veut dire se rappeler qu'on a déjà été esclaves. Puis pour nous autres, c'est pour s'acheter du chocolat en esclave. Tu sais comment c'est drôle, la vie. Hein, c'est une fête qui a été transformée maintes et maintes fois là, au goût de l'élite religieuse en place. Hein? On se le cachera pas non plus. Hein? En terminant, pourquoi les œufs, du chocolat pis des lapins? Hein? Ouais. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Attends un peu, parce que char de course, fille, bière. Ah, t'es pas loin, en maudit. Symbole de fertilité. Ah. T'étais pas loin avec char de course pis pitoune. Ah, ok, tu veux dire Pâques, c'est le renouveau, c'est le printemps, on est au nid, les filles enlèvent du linge. Ça et est... voilà. Ouais. Pâques, avant tout, c'est la fête de la vie, de la naissance, de la résurrection, mais pas de Jésus. C'est la résurrection de la vie. Hein? Voilà. Oui, parce que Pâques, c'est la fête du printemps. Et voilà. Et voilà. Les Juifs qui s'en vont déjà. Fait que là, ça et prend voilà. Des chicks, des bunnies, puis des ovules. C'est pas mal ça, ouais. Fait que manquez pas la semaine prochaine un plan marketing. Pour Pâques! Hey, c'est incroyable. As-tu lu ça pour vrai? Ben oui, non? J'ai lu ça pour vrai. Lu. La scène et la passion. La passion de la scène, ouais. La scène, ouais. Complot des autorités juives. Absolument. Encore là-dessus, là. Hey, j'ai même appris plein de choses que je savais pas sur Jésus ou là-dedans. Ouais. La brebis ouais. Perdue, c'est toujours bon d'en savoir plus sur Jésus. Plus sur Jésus. Il n'y a aucune limite. Merci beaucoup, absolument. Mathieu Boudreau. Ça m'a fait plaisir ça encore, Alice. Excellent. Oublie pas. Ah, clip de chat. Ben, moi. J'ai juste quelque chose peut-être à donner aux gens, parce qu'en fin de semaine, moi, j'ai eu comme un deuxième anniversaire, hein. Il y a des gens qui m'avaient oublié, puis finalement, ils m'ont pas oublié. On sait pas pourquoi. Je m'en foutais un peu qu'ils m'aient oublié, mais bon. Fait que, j'ai eu des gommes bazooka originales. Oh, avec Dieu. Des jokes dedans, putain. Et voilà. Ouh, yeah. Des gommes bazooka comme ça. Merci, tiens. Mathieu. Merci. C'est il en reste chaud. Une ici, fait que, tiens, vas-y. On mangeait ça jusqu'à la fin du show. Tiens. Allez-y, hein, c'est le fun au bout. Manger. Dieu, t'en veux-tu une? Le gros cadeau, c'est ce qui nous amène tranquillement vers Marianne. Tu reviens nous parler de la boîte d'or, c'est ça? Oui, je viens de vous parler d'un beau cadeau qu'est la boîte d'or. Oh ben, soda. On a fait notre premier événement en fin de semaine de cabaret, Tommy. Et ça s'est super bien passé. Il y avait du monde en arrière, de bout, puis tout. D'ailleurs, il y a Monsieur Mathieu Anfield qui a fait diffuser un court-métrage, d'ailleurs, qui a fait lever tout le monde. Les gens étaient vraiment très heureux. Et... c'était magnifique. Il y avait quoi? Y avait-tu des robots? Malheureusement, pas encore. On n'a pas réussi à aller chercher cette crowd-là encore. On est en train de chercher. Mais si tu veux nous aider là-dessus, par exemple, on peut élaborer un plan de marketing ensemble, Mathieu. Ça serait vraiment cool. J'aimerais bien ça. Mais là, est-ce que c'est des robots du futur ou actuels? Du futur. Ah, OK. C'est de plus en plus facile. Au moins qu'on s'entende. Celui-là qu'on a actuellement, c'est des petits aspirateurs plates qui font le tour de ton appartement pendant que t'es pas là. Pas. Des machines interact à distance puis des téléphones intelligents. Ouais, c'est un peu dull, ça. C'est plus fun quand ça fait ton ménage au complet, ça complète tes besoins. Et voilà. Donc, un premier événement qui a été une réussite. Oui, absolument. Mais en fait, je viens te parler de la boîte d'or aujourd'hui parce qu'on a un événement qui s'en vient le 4 de mai qui va être tout aussi intéressant et tout aussi fort en émotion, je te dirais. On va avoir de la peinture live sur corps. Il y a une jeune demoiselle qui va se faire peindre sur place. Bien. Et ce sera pas moi. C'est dommage. Ah, peut-être. As-tu les formes suffisantes pour te faire peindre, Mathieu? J'ai toutes les formes suffisantes pour pas mal plein d'affaires. OK. C'est vrai, là. Ouais. Donc, c'est ça, on va recevoir Joanie Martel qui va faire de la peinture live. On va aussi recevoir Alain Barbeau, qui est un auteur-compositeur que je respecte énormément, qui est vraiment très bon, qui fait des thèmes de Mario sur sa guitare. Ah, cool. Ça, c'est toujours au Bistrot de Paris. Le premier vendredi. Toujours les premiers vendredis du mois au Bistrot de Paris. C'est les soirées 6 à 8 de la Boîte d'Or qui sont les soirées auteurs-compositeurs suivies des cabarets de la Boîte d'Or qui commencent à 9h. Puis bon, tout se termine tout le temps en jam monumental. Donc les gens sont invités à venir avec leurs idées, leurs textes, leurs instruments. Puis on finit ça en grand. Là. C'est une soirée de fou, là, finalement. C'est bon, ça. Yep. Puis c'est ça, pour closer la soirée du 4 mai prochain, on va avoir Kinkajou, que j'aime énormément. Si c'est un band que vous connaissez pas, c'est un band à connaître, qui bouge assez, merci. C'est vraiment très agréable. Il y a des slammers qui vont être parmi nous, entre autres Dominique Réaliste et César. Je sais pas si tu connais Miss Vézir. Miss Vézir qui est venue nous voir, c'est une grande slameuse, si tu connais pas, elle fait des soirées Slaméléon tous les premiers samedis du mois au Lézard. C'est une grande dame qui a vraiment une belle énergie. On aime accueillir les gens qui ont de l'ambition puis qui veulent changer le monde! Elle l'a dit. On aime ça nous autres aussi. Ah! Absolument, mais c'est pour ça qu'on est ici. Fait que t'as amené ton petit ukulélé pour nous jouer une chanson là-dessus ou? Ah, ben je pourrais bien vous jouer une toune. Mais en fait, c'est en lien avec une annonce que je vais faire pour la boîte d'or. Parce que là, présentement, on crée des événements qui sont faits par les artistes, pour les artistes et amateurs d'art moins conventionnels. Mais il va y avoir un volet de vidéoclip qu'on est en train d'inclure là-dedans. Donc, ooh, avec Z Production, on va faire des samples pour les artistes. Puis ensuite, ils vont pouvoir avoir des vidéoclips à moindre coût. Donc, le but, c'est d'aider les artistes qui s'aident entre eux puis de rencontrer plein de gens intéressants. Et d'ailleurs, le premier vidéoclip qu'on va tourner, ça va être de deux folles qui gueulent de la merde ou deux folles un banjo, dans le fond. C'est tout dépend quel bord que vous voulez le prendre. Moi, j'aime bien les deux. Là. Bon, deux folles et un banjo, DFQGDM. Qui sont ton duo avec René Gélineau, c'est bien ça? Oui, avec René Gélineau, qui était là d'ailleurs pour peindre vendredi passé. Oui. Ouais, elle a peint des poulpes dans la main des gens. C'est magnifique. Il y avait des poulpes partout sur les murs. C'était magnifique. Puis c'est ça, on va taper une nouvelle chanson qui s'appelle Moutarde. Mmh. Oui, absolument. C'est l'histoire d'amour entre la moutarde et le ketchup. Ouais. C'est vrai que ça se marie bien, c'est comme ça. Effectivement. C'est vrai, c'est beau ça. Hein? Andy pense que c'est... Fait que là, tu nous joues une petite chanson que tu joues la moutarde, là. Ah, j'ai peut-être pas de micro pour... Ça se rend dessus? Ça devrait bien aller. On entend bien? Oui, oh, c'est Marianne à 70%. Là. Merci, Dieu. Rendons gloire à Dieu. Jamais déçu. Ouais. Oh, depuis que le ketchup est fini, se meurt la moutarde. Le condiment jaune me dit où est mon camarade. Tu me l'as pris au bord de la mort. Je voyais au travers de son corps. Toi, repus de frites sur divin. Il lui manquait des litres de sang. Dès l'instant où j'ouvre la porte, le produit en deuil capote. Le condiment jaune me crie, tu es une crisse de malade. Elle me lance tout à sa portée en hurlant des insanités. Tout le guide alimentaire se retrouve par terre. Tout le guide alimentaire se retrouve par terre. C'est vrai que j'ai vu sans rien voir leur amour et leur désespoir. Sous le clou de leur chambre froide se produisaient des accolades. J'ai souvent vu et revu l'étrange rouge et jaune devenir orange. Moutarde, moutarde, quelle ville mère. Moutarde, moutarde, quelle ville mère. Prends-moi, prends-moi, prends-moi, me supplie la moutarde. Sur des frites ou sur du pâté, même si ça goûte la marde. Le condiment jaune m'implore. Donne-moi la mort. Et moi, aveugle de ses cris, je poursuis le carnage. Vide les dernières gouttes de sa vie dans mon œsophage. Et sans aucune cérémonie, je l'ai crissé dans le recyclage. Quand j'achète des condiments, je marie ketchup et moutarde. Le cœur se vide au même rythme quand je les unis sur des frites. Je les laisse aimer tendrement et les tue en même temps. Moutarde, moutarde, quelle ville mère. Moutarde, moutarde, quelle ville mère. Moutarde, moutarde, quelle ville mère. Moutarde, moutarde, quelle ville mère. Voilà. Oh, moutarde.